L'or, le lion, ses deux grands yeux vêtis, Éberlera les tourna un petit en lui disant « Ô pauvre verminière, tu n'as sur toi instrument ni manière, tu n'as couteau, serpe ni serpillon, qui put couper corde ni cordillon, pour me jeter de cette étroite voie. Va te cacher, que le chat ne te voie. » « Sire lion, dit le fils de souris, de ton propos, certes, je me souris. J'ai des couteaux assez, ne te soucie, de bel os blanc, plus tranchant qu'une scie. Leur gaine, c'est ma gencive et ma bouche. Bien couperont la corde qui te touche de si très près, car j'y mettrai bon ordre. » L'or cirera, va commencer à mordre ce gros lien. Vrai est qu'il y songea assez longtemps, mais il le vous rongea souvent, et tant qu'à la parfum tout rond. Et le lion, de s'en aller, fut prompt, disant en soi, « Nul plaisir, en effet, ne se perd point, quelque part où soit fait. » Voilà le conte, en termes rimassés. Il est bien long, mais il est vieil assez, témoin Ésope et plus d'un million. Or, viens me voir pour faire le lion, et je mettrai peine, sens et étude d'être le rat, exempt d'ingratitude. J'entends, si Dieu te donne autant d'affaires qu'au grand lion, ce qu'il ne veuille faire.